j'étais tout petit et je comprenais déjà tout. J'avais jamais rien vu, mes rêves sur un bateau. T'étais à découvrir, je venais de les découvrir. J'avais la tête en l'air, mon cœur à la fourrière. C'est la misère qui m'a présenté mes amis. Mes amis qui étaient aussi mes ennemis. C'est aussi elle qui m'a appris des choses de la vie. Grâce à elle, j'ai mon côté authentique. Et la famille, je t'en parle même pas, ceux et les pires. Le lien du sang, crois-moi, des fois, ça veut rien dire. Y'avait personne pour nous débloquer du système. Génération perdue, du mal à dire je t'aime. J'avais jamais rien vu à part les tours de chez moi. J'étais dedans, je les voyais derrière les rideaux. Je me faisais réveiller par un Yamaha à deux temps. Des cafards dans les Kellogg's tous les matins. J'avais que mes potes de la haine quand j'étais tout sale. L'humain est mauvais, je l'ai découvert tout seul. Quand je rentre à la maison, j'enlève mon sourire. Je me demande pourquoi la vie me fait tant souffrir. J'voulais être libre, vivre ma vie. Qu'on ait vécu tout ça. Je suis désolé, donne-moi ton cœur, je mets un pansement. En baba, c'est la mer, je veux plus voir ça. En baba, c'est la mer, je veux plus voir ça. Maman, je suis désolé qu'on ait vécu tout ça. Je suis désolé, donne-moi ton cœur, je mets un pansement. En baba, c'est la mer, je veux plus voir ça. En baba, c'est la mer, je veux plus voir ça. Je voulais être libre, vivre ma vie. Désolé qu'on ait vécu tout ça. J'suis désolé, donne-moi ton cœur, j'mets un pansement. En baba, c'est la mer, j'veux plus voir ça. En baba, c'est la mer, j'veux plus voir ça. Maman, j'suis désolé qu'on ait vécu tout ça. J'suis désolé, donne-moi ton cœur, j'mets un pansement. En baba, c'est la mer, j'veux plus voir ça. En baba, c'est la mer, j'veux plus voir ça.